Ah, bon matin. Le dernier chant, il y avait les deux dernières strophes. Tu te rappelles-tu des deux dernières strophes, Mathias? Le dernier chant, là, il y avait les deux dernières strophes. Est-ce que tu pourrais les lire? Attends un peu, non. Je vais prendre une feuille. Laisse, attends une minute. OK, je vais vous lire ça dans la version qu'on a chantée tantôt. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'ils reviennent ou me rappellent, donc que je vive ou que je parte ou non, que je meurs, par la force de Christ, je tiendrai. Donc, que ce soit des plans des hommes ou non du malin, qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'il agit en coulisses, il n'y a rien qui ne peut m'arracher de la main du Seigneur. D'accord avec ça? Je vais introduire l'enseignement de ce matin par le psaume numéro 1. Est-ce que quelqu'un le connaît par cœur? Est-ce que quelqu'un connaît le psaume 1 par cœur? C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. En tout cas, celui qui connaît le psaume 139, là, il est super. Hein? 119, ah oui, oui, c'est vrai. Gérard, du calme. Savez-vous qu'on vit dans un monde qui ne se préoccupe pas de Dieu? Pour plusieurs. En fait, sommes-nous capables de voir comment reconnaître que les hommes ne vivent pas selon Dieu? Est-ce qu'on a des points de référence? Est-ce qu'on sait comment observer ça? Comment ça se concrétise? Comment ça se démontre? En fait, est-ce qu'on va pouvoir nous supporter ça longtemps? La façon dont le monde s'oriente? Et est-ce que Dieu va supporter ça longtemps? On ne sait pas. Sauf que lui, on sait qu'il est patient, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, on connaît ça. Récemment, il y a un ami qui est venu chez nous et qui nous a raconté un peu une situation qui, je dirais, déroutante, pour le moins qu'on puisse dire. Il nous racontait l'histoire d'une famille dont le père, il est souffrant et qu'il est sur le point de mourir. Et il racontait comment sa femme et ses enfants se comportaient par rapport à lui. Et dans ce qu'il racontait, ça venait comme faire un écho dans ma pensée par rapport au texte qu'on va voir ce matin. Parce que ce que cet homme-là vivait, il est à la fin de ses jours, là, il est dans son lit d'hôpital. Malheureusement, il a demandé l'assistance médicale à mourir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, ce que les gens, ses proches qui sont là autour de lui, il souhaite sa mort rapide, mais pas pour des bonnes intentions. Pour le cas de un, c'est pour hériter le plus vite possible. Et je dirais qu'il meurt le plus tôt possible parce que le lendemain, il a un party. Et il voudrait assister au party. Et une autre personne, c'est qu'elle dit qu'elle l'a jamais aimé. Bien qu'elle ait resté longtemps avec cet homme-là. Et c'est absolument dramatique. Même si c'est déroutant, je dirais, ça nous jette à terre. On dit, est-ce qu'une situation comme ça peut vraiment se produire dans notre monde qu'on dit civilisé? Est-ce que vraiment ça peut se produire? Et la réponse est oui, malheureusement, parce que c'est réel. Ça s'est produit il n'y a pas très longtemps. Donc, ce que manifestaient les gens autour de ce mourant-là, de cet homme-là qui, soit dit en passant, cet homme-là a un excellent témoignage de générosité par rapport à plusieurs personnes. Mais dont ses enfants n'en ont aucune idée, parce qu'ils n'ont pas de relation avec lui. Fait que ce qui va se produire, c'est quand cet homme-là va décéder, il y a plein d'amis là qui vont être autour que la parenté, la famille même ne connaît absolument pas. Ils ne savent même pas d'où est-ce que ça sort. Mais lui, son témoignage était vrai, authentique. Et il avait décidé, lui, d'aimer, même si en contrepartie, il n'est pas aimé par ses proches. Il avait décidé d'aider des gens. Mais ce que les gens proches manifestent à cet homme-là, en fait, c'est du mépris, de l'ingratitude, littéralement, qui vient de la part de ses enfants. C'est carrément un rejet de leur père. C'est un désir en même temps incontrôlé de posséder des biens le plus vite possible dans le but d'en profiter. C'est qu'en même temps, c'est une attitude qui est arrogante, qui est provocatrice et c'est rempli d'égoïsme, c'est centré sur ce que moi je veux. C'est ça qui supporte tout le milieu, le contexte. Et Jésus nous dit dans le texte qu'on va voir, c'est vouloir vivre pieusement pour Jésus. Ça veut dire s'attacher de façon vraiment intentionnelle, intensive pour Jésus. Ça entraîne la persécution. Fait que si on pense être dans ce monde-ci, dans le monde comme je viens un peu vous décrire, c'est un événement. Mais il y en a plein comme ça. Et nous, on ne voit pas tout l'univers, on ne voit pas la grandeur de la planète. Mais si on pense nous vivre, vouloir suivre Jésus-Christ de façon rigoureuse, de façon aimante et de façon intentionnelle, sans vivre la persécution, oubliez ça. Oubliez ça, vous allez être déçus. Parce que la persécution, elle va venir. Elle va venir, ça va venir vous troubler, ça va venir vous déranger. Parfois, vous allez avoir tendance à pencher de l'autre côté, mais ça va venir. Parce que vous décidez de marcher comme Jésus-Christ. Vous décidez de vivre comme lui. On va dire ça, c'est un peu le côté négatif. Parce qu'il n'y a personne qui veut se faire persécuter, il n'y a personne qui veut se faire mettre en prison. Hein? T'sais, mettons, si je demandais à Mance, on va aller t'accrocher, on va te mettre en prison demain matin, mais un trou, là. C'est un trou où il y a des rocs qui se promènent, pas de lumière, c'est humide à la planche, d'un plafond bas, pas de chaise où t'asseoir. On va dire, oh, une minute, là. Mais il y en a qui ont vécu ça. Pour nous. Pour que nous, on sache comment ça se passe. Alors, vivre pieusement pour Jésus, ça entraîne la persécution. Le texte que je vais décortiquer avec vous, je vais le séparer en trois blocs, bien que dans vos Bibles, il y en a deux. Je vais le séparer en trois blocs et je vais vous présenter trois objectifs que Dieu a dans ce passage-là pour Timothée. Qu'est-ce que Dieu vise lorsqu'il demande à Paul d'écrire cette lettre-là à Timothée? Voici qu'est-ce que mon intention pour lui, qui va avoir un reflet dans l'Église tantôt. Alors, dans les intentions que Dieu a, c'est de préparer Timothée pour ce qui s'en vient. Il est en train d'en vivre un peu, ça se vit un peu dans le royaume romain, mais ça va aller en empirant. Et aujourd'hui, on est rendu dans une pointe d'iceberg qui commence à sortir de l'eau pas mal. Fait, le premier objectif, ça va être de le préparer pour ce qui s'en vient, et on va lire ça tantôt. Le deuxième objectif que Dieu vise, c'est de fortifier Timothée à travers des exemples qui se sont passés avant lui. Et qui, on va les regarder aussi, qui va montrer qu'à quel point que, même si c'est terrible, même si c'est les serviteurs de Dieu sont ciblés, attaqués directement, que Dieu n'est pas hors contrôle de ça. Et le troisième objectif que Dieu vise pour Timothée, c'est de l'ancrer dans sa parole. Que tu aies les pieds solides sur le roc, un peu comme nous partageait Landry tantôt. Alors, ce qu'on va regarder, le premier objectif, nous, c'est de le préparer pour reconnaître les œuvres des ténèbres. Et là, je vais lire avec vous 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 5. En fait, je vais lire jusqu'à 7. OK? Non, 1 à 5, excusez-moi, je suis en train de me fourvoyer dans mes notes. Donc, reconnaître les œuvres des ténèbres, et regardez bien comment c'est écrit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tout un beau décor. Je vais vous le relire en utilisant des synonymes ou des versions différentes dans des traductions différentes. Donc, il dit, sache que dans les derniers jours, on va dire dans la période finale de l'histoire, il y aura des temps difficiles. On appelle ça des temps fâcheux, périlleux et troubles. Attendez-vous à qu'il y ait des troubles. Il dit, en effet, les hommes seront égoïstes. Ils vont dire qu'ils vont être avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes. Ils vont être absorbés par leur propre intérêt, amis de l'argent, c'est-à-dire avares, avides de richesses. Donc, ce qui les préoccupe, ce n'est pas le bien-être général. Ce qui préoccupe, c'est moi, me, moi. Fanfaron, ça c'est vantard, prétentieux. Hautain, donc arrogant, jaloux, envieux, désirer ce que les autres possèdent. Blasphémateur, c'est outrageux, injurieux et médisant. Donc, décrier la réputation de quelqu'un d'autre. Rebelle à leurs parents. Commence pas tout de suite, toi. Rebelle à leurs parents, donc c'est désobéissant. Sans égard à leurs parents, sans aucun respect. Ingrat, c'est-à-dire sans reconnaissance. Ils ne savent pas dire merci, ne savent pas dire « Maman, tu as bien fait aujourd'hui. Papa, je suis content que tu vas travailler pour que moi j'ai des souliers dans les pieds. » Irreligieux, c'est-à-dire sans piété, sans respect pour Dieu, dépourvu de respect pour ce qui est sacré. Les blasphèmes, entre autres, c'est ça que ça fait. Insensible, sans affection naturelle. Donc, quelqu'un que je devrais aimer de façon simple et naturelle. Ma mère, par exemple, OK? Mais on en vient à un point où on est insensible à ce point-là d'être sans affection naturelle. On appelle ça des « sans-cœurs », pour une expression québécoise que nous, on connaît bien. Déloyaux. Donc, c'est implacable, sans pitié. Calomniateur. Et le terme grec qui est utilisé, c'est « diabolos ». Ça veut dire « prompt à la calomnie, accusant faussement et facilement ». intempérant, incontinent, incapable de se maîtriser, de se discipliner. Vous voyez qu'il y a un sens qui va, comme c'est ancré comme dans la personne. Cruel, effronté et brutaux, agissant sans pitié, intraitable, pas moyen de négocier, pas moyen de discuter. Ennemi des gens de bien, c'est n'aimant pas, qui sont indifférents aux gens de bien et ils haïssent même ceux qui font le bien. Donc, lorsque vous vous donnez à quelqu'un, lorsque vous aidez quelqu'un, bien, il y en a qui vous détestent à cause de ça. Et ça, ce n'est juste qu'on pourrait dire, me semble, un sentiment naturel de secourir quelqu'un qui est malade ou qui est tombé. Rappelez-vous le Samaritain. Il y a quelqu'un qui est tombé dans le chemin, il passe deux personnes qui, eux, sont attachés à la personne de Dieu, là. Ils le regardent, s'éloignent, passent plus loin, on le laisse là. Alors qu'un Samaritain qui, lui, l'arrête, il arrête à côté, il va tout dépenser pour le récupérer. Traître, c'est impudent, délateur. Donc, on va chercher à dire tout ce qui vous concerne. Emporté par leur passion, sont aventureux et frivoles, sont téméraires, effrontés avec précipitation. Donc, c'est pas juste ordinaire, là. C'est que ça grimpe tout le temps et on part de quelque chose qui est plus large, plus libre, plus toléré et on s'en vient de plus en plus pointu et de plus en plus mauvais, de plus en plus méchant. Enflé d'orgueil, c'est prêt à toute trahison. Imbu d'eux-mêmes, aimant le plaisir plus que Dieu, c'est aimant la volupté, les amusements, plutôt qu'aimant Dieu. Ayant l'apparence de la piété, c'est attaché à l'apparence extérieure de la religion, à la tradition, mais pour sauver la face. Donc, on a l'impression que ces personnes-là sont vraiment attachées à Dieu, alors que c'est totalement faux. Il dit non seulement de reconnaître les œuvres des ténèbres, ce qu'on vient de lire, mais il demande, il prépare Timothée à observer le comportement des gens. Regardez les versets 6 et 7. Il dit, « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. » Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Comment les gens font aujourd'hui pour s'introduire dans les maisons? Il y a un temps là où chez nous, moi j'ai connu ça, puis probablement ceux qui ont mon âge et 10 ans de moins, mettons là. Il y a des gens qui venaient frapper à nos portes puis qui nous présentaient des fausses doctrines. Leur intention, c'était de s'asseoir à nous, avec nous, et dans le but de nous amener dans la fausse doctrine. On voit moins ça. Ça se voit même pratiquement jamais. Sur invitation peut-être, mais pas ça, non. Mais comment des gens à l'esprit tordu, mauvais, qui ne tiennent pas compte de Dieu, comment ils s'introduisent dans vos maisons aujourd'hui? Par les réseaux sociaux et par votre ordinateur, par vos téléphones. La télévision. Voyez, c'est subtil. Mais quel est l'objectif? Quel est l'objectif qui est visé? L'objectif qui est visé, ils sont séduisants. Donc, on présente un fait ou une image ou une pensée qui est attrayante. Et on va dire qu'elle est différente de tout ce que je connais. Et là, ça attire notre attention. Et là, je veux en savoir un peu plus. Donc, on fait juste un pas de plus dans la connaissance. Mais ce n'est pas une connaissance qui amène au salut. Ce n'est pas une connaissance de la vérité. C'est une connaissance qui nous éloigne de Dieu. Donc, et ça, il faut vraiment être attentif, être sur nos gardes. Parce que sinon, c'est qu'on laisse entrer le mensonge et à un moment donné, on finit par y croire. On finit par croire, par exemple, que se faire piquer pour mourir, c'est une bonne affaire. À mon sens, à moi, c'est qu'on vient de légaliser le meurtre. C'est comme ça que je le comprends. On ne le dira pas de même, parce que ça n'a pas comme de bon sens. Mais c'est quand même ça qu'on a légalisé. On a légalisé le meurtre par quelqu'un qui est compétent. C'est tout. Tu as raison. Mais en même temps, il veut le préparer à savoir comment faire face autant aux œuvres de ténèbres qu'au comportement. Et qu'est-ce qu'il dit? Éloigne-toi. Tiens-toi loin. OK? Donc, non seulement tu vas observer, non seulement tu vas entendre, non seulement tu vas voir des choses qui se passent dans les coulisses, dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit? Éloigne-toi de ce bonhomme-là là, qui dit « Sachez que j'ai toujours raison. » De ce petit bonhomme-là là, qui vous raconte toutes sortes de bêtises, puis lui, il a toujours raison. Il n'est pas orgueilleux pour Saint-Saëns. Mais éloignez-vous aussi des réseaux sociaux, faites attention. C'est subtil, c'est discret, ça a l'air inoffensif, mais ça frappe en plein front. C'est surtout c'est que ça frappe en plein cœur et ça nous amène à s'éloigner de Dieu, à douter de Dieu, ce que Satan a fait dans le jardin. Donc, ni plus ni moins la position que toi, tu dois prendre. C'est observe bien et décide ce que tu veux faire. Les autres ne décideront pas à ta place. C'est à toi de décider. Il y a un deuxième objectif. Le deuxième objectif que Dieu vise avec Timothée, c'est de le fortifier en lui montrant des exemples qui se sont passés avant. Et là, je vous lis le texte. Il dit, à partir du verset 8, le verset 8 et le verset 9, il dit, « De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes, donc tous ceux dont on vient de parler avant, avec une attitude parfaite quasiment, là, s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés, en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. » Donc, de qui on parle au juste? On parle de quand Moïse et Aaron et Israël sont en Égypte. On parle de Exode chapitre 7. Je vous invite à aller voir, parce qu'on va lire seulement trois versets, et ça va vous montrer, je vais mettre l'emphase sur les deux imposteurs, là, parce que c'est aussi une traduction de ces magiciens-là. Vous allez voir quel est leur comportement et on va essayer de trouver qu'est-ce qui sous-tend en dessous leur action. Donc, Exode 7, 10 et 11, par exemple. Donc, Moïse et Aaron allèrent auprès du Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Intéressant. OK? Mais on sait que la verge d'Aaron va avoir englouti les autres serpents. OK. Versets 21 et 22. Je suis dans Exode aussi 7. Il dit, « Si tu refuses de laisser aller mon peuple, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. » Ça va bien, hein? « Le peuple fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Et eux vont faire pareil. Les magiciens vont faire pareil. Chapitre 8, verset 11. Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc, ce qui est arrivé avant, c'est que les grenouilles sont parties, mais lui, il a endurci son cœur. Exode 8, verset 14. Les magiciens envoyèrent leur enchantement pour produire des poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et sur les magiciens. À un moment donné, il y a une limite à ce que les enchanteurs peuvent faire. Il y a une limite à l'intervention que Dieu leur permet, autorise de faire. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, eux, quel est leur objectif en se présentant devant Pharaon et en exerçant des, on va dire, des prodiges comme ça? Qu'est-ce qu'ils visent? Ils sont en train de séduire Pharaon, de l'amener à ne pas croire ce que Moïse et Aaron disent et de refuser de se conformer à ce que Dieu dit. Donc, ça a l'air, en première vue, on pourrait dire, ça a l'air juste comme, c'est spectaculaire ce qu'ils font. Oui, mais quel est le motif qui est en arrière? Quel est l'objectif qui est visé? Donc, on a donné l'exemple de deux imposteurs. Maintenant, on va aller voir le témoignage de Paul, parce que notre texte, c'est ça qu'il dit. Donc, dans le texte que je vais aller voir avec vous, c'est le témoignage de Paul et de Barnabas. Donc, Paul et Barnabas, ce sont deux hommes de Dieu que Dieu choisit pour les envoyer en mission pour aller se promener, pour annoncer l'Évangile et pour que les païens entendent la bonne nouvelle et se convertissent. Donc, on va aller voir ce qui se passe parce que je vous lis 2 Timothée 3, versets 10 et 11. Pour toi, donc il parle à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Et c'est pas pantoute comme les autres hommes de tantôt. Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées et le Seigneur m'a délivré de toutes? Juste vous donner une idée de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Acte 13, verset 14. Bougez pas, je pense que j'ai une erreur dans mon texte. Allez voir le verset 30 plutôt, s'il vous plaît. Je vais revenir dans mes notes chez moi. Donc, il y a des gens qui croient à l'annonce de l'Évangile et il y en a d'autres qui ne croient pas. Et le verset 50 du chapitre 13 dit, « Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. » Donc, après avoir secoué la poussière de leurs pieds, ils vont s'en aller dans une autre ville. Donc, vous voyez que l'opposition, elle est présente et Paul et Barnabas l'ont vécu. Donc, ce qu'il est en train de dire à Timothée, c'est « Timothée, tu sais que j'ai vécu ça. Et tu sais pourquoi j'ai vécu ça. Parce que je me suis tenu debout pour la vérité. Allez voir le chapitre 14, versets 3 à 6. Ils restèrent pendant longtemps à Icone, qui est la deuxième ville dont il mentionnait. Il dit, parlant avec assurance, appuyé par le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, donc vous voyez la persécution, comment elle se manifeste. Donc c'est qu'on les outrage, on les attaque directement, et on a l'intention de les lapider. D'ailleurs, on va les laisser comme pour mort. Et il va versets 20 et 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Et, je vais vous poser une question, là. Vous êtes Paul et Barnabas. Vous êtes envoyés par Dieu avec la certitude que Dieu est avec vous. Vous vous en allez dans un monde méchant, mauvais, mais dans lequel il y a des élus. Et qu'en annonçant l'Évangile, il y en a qui vont croire, puis il y en a d'autres qui vont s'opposer à vous. Et vous le savez. Donc, vous allez dans ces villes-là, vous faites ce que Dieu vous demande, et là, on vous lapide, puis on vous laisse comme pour mort en dehors de la ville. Dites-moi, vous retournez sur place après? Ou bien non, si vous décidez de passer à autre chose. Ce que Paul et Barnabas font, c'est qu'ils retournent dans les mêmes villes. Ils reviennent sur leur pas dans les mêmes villes. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exhorter à avoir foi en Dieu. Ils vont fortifier l'esprit des disciples. Et ils vont faire nommer des anciens. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que la persécution vient de les frapper en pleine face. Les dirigeants qui les enseignent, ils connaissent leur vie, ils les ont entendus annoncer l'Évangile. Les gens qui sont là, devant eux, ils sont authentiques, sincères et vrais devant Dieu, et les frères pourraient se décourager. Pourraient décider que déjà là, au début de leur conversion, ils abandonnent. Mais c'est comme si, en fait, c'est pas comme si, c'est Dieu met à cœur à Paul et Barnabas de revenir, d'aller voir les mêmes disciples et de les exhorter à demeurer fermes dans la foi. Et il dit en plus, parmi ceux qui sont là, il y a des gens qui ont les qualifications d'anciens et on va les mettre en place. Pourquoi? Pour continuer l'œuvre pendant que nous, on n'est pas là. Continuer à exhorter, à encourager et à annoncer la vérité. Ce qui est caractéristique pour fortifier Timothée, c'est que Dieu est fidèle. Il est fidèle, il a été fidèle à l'égard de Moïse et d'Aaron pendant qu'ils étaient en Égypte. C'est qu'il les a, à un moment donné, distingués et mis au-dessus de tous les magiciens, de sorte qu'ils ne peuvent plus, les magiciens ne peuvent plus rien faire. Et le verset 11b dit, « Et le Seigneur m'a délivré de toutes mes souffrances, de toutes mes persécutions, de toutes mes épreuves. » Et il va rajouter, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est une garantie. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, ce qu'on a lu en même temps dans le psaume tantôt, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Donc, ils n'ont aucune connaissance de la volonté de Dieu ni de la vérité, et ils essayent de convaincre les autres d'être comme eux. C'est ce qu'ils font. Mais on doit savoir que Dieu, lui, il délivre. Fait que même lorsque vous allez vivre la persécution, parce que vous la vivez d'une façon ou d'une autre, on va dire, on n'est pas mis en prison, pas encore. Il me semble qu'il n'en manque pas gros. On n'est pas battu, ils ne viennent pas casser les vitres de la maison chez nous. C'est déjà arrivé au Québec en passant. Je connais des frères qui ont commencé à annoncer l'Évangile en Mauricie, que leur vitre de maison a été cassée avec des roches parce qu'ils annonçaient l'Évangile et que ça dérangeait le statu quo. Ça dérangeait les gens en place. Il n'y a rien qui nous dit que ça ne reviendra pas à nous, là. Mais la persécution, vous la vivez dans vos luttes, dans les luttes que vous avez dans votre cœur par rapport à tout ce qu'on vous présente qui est contraire à Dieu. La persécution, vous la vivez là aussi. Donc, nous, c'est qu'on doit continuer à avancer par la foi pareil et de faire ce que Dieu nous demande. Le troisième objectif que Dieu vit, c'est d'ancrer Timothée dans la vérité qu'il connaît déjà, qu'il a déjà apprise. 2 Timothée 3, versets 14 et 15, il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre à salut ou qui peuvent te conduire au salut par la foi en Jésus-Christ. Les enfants parmi nous qui sont nés dans une famille qui honore Dieu, qui adore Dieu, qui veulent plaire à Dieu, vous avez un privilège extraordinaire que la majorité des enfants de ce monde n'ont pas. Vous connaissez la parole, vous l'avez entendue, vous l'avez vue vivre en action. Vous avez vu toutes les troubles que ça aurait pu donner, même parfois, dans les décisions que vos parents ont prises par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre. Enfin, vous avez été affecté positivement par rapport à la parole de Dieu. Et on a déjà lu dans 2 Timothée que Timothée lui-même, c'est sa grand-mère, son aïeul et sa mère qui connaissaient déjà l'Évangile, connaissaient déjà Jésus-Christ et qui lui en ont parlé. Et Paul, lui, est venu renchérir par-dessus ça et qui l'a amené à croire en Jésus-Christ. Mais il dit, « Toi, Timothée, depuis que tu es tout jeune, que tu connais la vérité. Attache-toi à la vérité. » Il va dire, « Ancre-toi en même temps dans l'effet que la parole produit dans ta vie. » Il dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. » Enseigner, c'est de me persuader qu'est-ce que la vérité. Quelle est la vérité? Me convaincre, c'est de réfuter l'erreur. Donc, je crois des choses qui ne sont pas vraies. Je me suis attaché à des mensonges. La parole de Dieu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient me convaincre que ce auquel je suis attaché est un mensonge. Et elle m'amène à l'affirmer moi-même et à dire que ça, ce n'est pas ce que Dieu dit. Et corriger, c'est de réformer ma conduite. Quand je lis la parole et que je découvre ce que Dieu veut, l'Esprit de Dieu, à travers la parole, ce qui m'amène, c'est changer mon comportement. Adapter mon comportement à ce que Dieu dit. Et ça, ça s'appelle corriger. Instruire, c'est d'apprendre à obéir. C'est bien beau de connaître des choses, mais si je ne les mets pas en pratique, ça ne fait que des connaissances. Ces connaissances-là doivent être mises en pratique. Et là, ça devient du concret. Là, ça devient du vécu. Là, ça devient un témoignage vrai pour les autres autour de nous. Et il veut l'ancrer dans la garantie du résultat. La garantie du résultat, c'est qu'afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que l'homme, que chaque individu qui met sa confiance en Dieu, qui accepte sa parole et qui y croit, il va devenir un homme fait, un homme de foi et un homme de conviction. Une personne de conviction qui va marcher dans ce monde qui est mauvais, on le sait, Jésus-Christ le dit. Mais on va marcher dans un monde qui est mauvais, mais avec nos convictions, et on va demeurer ferme. En fait, on va devenir une personne mature qui va persévérer indépendamment des persécutions, indépendamment des tribulations. D'où on doit s'attacher à la vérité. On doit s'attacher fermement à ce que Dieu dit. Et on doit la lire, la méditer, la mettre en pratique. Dieu, trois objectifs pour toi, comme il y avait trois objectifs pour Timothée. Te préparer pour ce qui vient. Et il nous a donné toutes les armes qu'on a besoin. Parce qu'on sait que le combat, ce n'est pas contre des êtres humains. C'est contre les esprits mauvais dans les mondes célestes, qui, eux, influencent les êtres humains. Il y avait comme objectif aussi de fortifier Timothée. Donc, de te fortifier, toi, dans des exemples du passé. Tu connais des gens autour de toi qui aiment le Seigneur, qui conforment leur vie à ce que Dieu dit. Marche sur leurs traces. Marche dans leurs pas. Demande leur conseil. Gêne-toi pas pour aller les voir. Et il veut t'ancrer en même temps dans la parole de vérité. De ce qu'on a entre les mains, là, vous savez que c'est précieux. Je reçois chez nous une lettre, quelques fois par année, qui vient de la Société biblique canadienne et qui me dit combien il y a de traductions de toute la Bible de fait dans le monde à l'heure actuelle, combien il y a des portions d'écriture qui sont faites dans certaines tribus en Afrique ou dans certains pays de l'Est ou ailleurs. Et ils me disent en même temps qu'il y a des régions où ils ne peuvent pas écrire la parole, sauf qu'ils peuvent la lire. Fait qu'ils vont la mettre sur un matériel que quelqu'un dans la brousse même, là, avec juste un petit capteur solaire à peu près, il va être capable d'écouter le Nouveau Testament traduit dans sa langue. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des efforts gigantesques qui sont mis dans le monde aujourd'hui pour que tout le monde entende la parole de Dieu. Vous l'avez dans votre langue. Et si vous n'aimez pas cette traduction-là, il y en a d'autres. Moi, j'en ai une couple chez nous. J'ai même la Bible Bible Online dans mon ordinateur. Je peux aller en voir aussi bien en anglais qu'en français qu'en espagnol, là, en grec. Comprenez? C'est un trésor qu'on a entre les mains. Est-ce que je vais vraiment m'y attacher dans le but de comprendre ce que Dieu veut et de le laisser travailler dans ma vie? N'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur. 2 Timothée 2, 24, 26. Ce qu'il dit, c'est que face à l'opposition ou face à la tribulation, comment on va se comporter? Je vais juste vous le lire. 2 Timothée 2, 24. Il dit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. » Donc, on n'est pas là pour se battre avec le monde. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance, c'est-à-dire d'avoir de la douceur, de l'amabilité. Pour qui? Pour tous. Même le pire. Même celui qui veut t'arracher la tête. Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser comment? Avec douceur les adversaires. Et qu'on a de la misère avec ça. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus de leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez l'œuvre des ténèbres qui est là, qu'on a vu dans les premiers versets, à quel point que ça vient comme transformer la vie d'une personne, ça la rend agressive, violente, aller jusqu'au meurtre, blasphémateur. Mais quand la parole de Dieu vient faire son effet, et que vous annoncez la parole de Dieu avec douceur, dans le but qu'ils croient, qu'ils acceptent la vérité, ça fait toute la différence. Ma vie, elle a été changée par le témoignage des gens autour de moi, par les gens de l'église où je suis allé. Donc, les frères de cette église-là ont eu un impact profond dans ma vie. Ça m'a amené à croire en Jésus-Christ et à conformer ma vie à la parole de Dieu, parce qu'on m'a enseigné après, on m'a montré tout ce que Dieu voulait. On m'a enseigné le conseil de Dieu. La persécution, ce n'est pas la fin de tout. C'est être éternellement avec Dieu. C'est ça qui est la finalité. Donc, choisis de vivre pieusement en Jésus-Christ. C'est notre choix. Sachant que la persécution, de toute manière, elle est là pareil. Mais on a des choix à faire. Donc, si je dois m'éloigner de certaines personnes, je m'éloigne de certaines personnes. Si je dois me débarrasser de mes réseaux sociaux, bien, faites-le. Pourquoi? C'est de faire ce que Dieu nous demande, qui est important. Je vais prier. Seigneur, merci de nous prévenir. Merci de nous prévenir que ce n'est pas encore la fin. Et que plus on s'approche de la fin, plus ça frappe d'aplomb. En fait, plus nos vies risquent d'être menacées. Nos pensées le sont déjà, Seigneur. Nos émotions le sont déjà menacées. On se sent déjà persécuté dans nos âmes quand on en sent des choses horribles. Mais la persécution peut aller jusqu'à atteindre nos vies, notre vie corporelle. Je te remercie, Dieu, parce que tu es en contrôle et par les témoignages que tu nous as montrés tantôt dans la vie de Paul, même si les Juifs qui l'ont lapidé pensaient qu'il était mort, ce n'était pas la fin. Dieu l'a délivré de tout, lui a donné la victoire sur tout. Et on sait que tu peux faire ça dans nos vies, Dieu, parce que, comme notre frère Landry l'a dit tantôt, Dieu, tu es invariable, toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour ça que quand on place notre foi en toi, on n'a pas de crainte. Pas de crainte de ce que les hommes peuvent nous faire. Dieu, fortifie notre foi à chacun de nous et aide-nous dans nos décisions qui vont avoir un impact puissant pour notre témoignage. Je sais que pour certains, les choix à faire sont difficiles, Seigneur. Mais toi, tu nous donnes la force. En fait, l'esprit que tu nous as donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous, qui nous permet de faire les choix que Dieu veut. Dieu accompagne mes frères et sœurs. Bénis-les abondamment et merci de ta protection en Jésus-Christ. Amen.